téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Les messages les plus courts. Bonsoir Blogueuster, mon pote Amric m'a demandé si j'avais laissé un message sur le répondeur cette année. Non. Alors, il me dit pas pourquoi c'était pas bien. Je dis si, c'était top cette saison. Bah alors, ouais, mais raconter que c'était bien, que j'ai découvert des choses. Evangelion, que j'ai commencé par exemple. J'ai redécouvert des choses, Predator. On a parlé de Pierre Richard, de Clint. Ouais, je l'appelle Clint. Et que j'ai des hâtes de découvrir les prochaines émissions. C'est d'une banalité, hein. Je peux pas dire ça quand même sur un message. Bon, allez, merci Blockbuster pour cet été et à bientôt. Allez, ciao. Par les nuits chaudes, j'écoute Blockbuster. Salut Fred, salut à toutes et à tous. Je viens d'écouter en podcast Goldorak et finalement, ça m'a mis de larmes aux yeux. Ça me rappelle, j'étais en primaire, et je suis entré avec mon cartable à la maison, et mon papa a acheté une télé en couleur, je ne savais pas, et j'ai vu Goldorak en couleur, le premier manga de ma vie, oh là là, et merci, hein, je prends des cheveux blancs à cause de toi. Salut, au revoir. Bon Frédéric, on commence à avoir vraiment un gros problème avec l'émission Blockbuster, elle est trop courte. To be or not to be, not to be. Nous sommes le 25 août et si vous êtes parent, il y a de fortes chances que vous soyez actuellement en train d'arpenter les rayons bondés d'un supermarché pour trouver ce classeur format A4 avec des feuilles lisses à petits carreaux, accompagné d'un cahier violet, lui à gros carreaux sans marge, sans oublier le correcteur Tipex en stylo et pas en pot, bien entendu. Chaque fourniture jetée dans le caddie est vérifiée par votre progéniture qui, deux fois sur trois, vous dira « Non, papa, la maîtresse, elle a dit une couverture violette. » « Oui, bah, violet, turquoise, c'est pareil, un cahier, c'est un cahier. »« Ah oui, mais papa, la maîtresse, elle a dit... »« Oui, bah, la maîtresse, elle a dit... On sait même pas si la maîtresse, elle sera fournie, elle. » Faut dire que depuis que le métier de prof est devenu aussi attractif qu'un dessous de bras à un mois d'août dans le bus, on risque de tomber sur des contractuels Bac plus 3 à qui on va demander « C'est quoi votre formation, déjà ?»« j'adore Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer. » Comme si c'était déjà pas assez stressant, c'est là qu'on tombe sur d'autres parents. « Ah, bonjour, monsieur Sigris, votre fils est dans quelle classe cette année ?»« Il a madame Gomez. »« Ah, vous savez le « ah » qui veut tout dire. »« Ah ouais. Lubin, notre premier, il l'a eu il y a 3 ans. Bon, » on a connu des parents qu'on était très contents. Hein. Et purée, pourquoi chaque année, le petit plaisir de certains parents, c'est de te dire à 3 minutes de la rentrée que tu t'apprêtes à mettre ton enfant dans la classe de Dolores Ombrage. Et après, pour t'achever, ils te quittent sur « Nous, on a mis les nôtres dans le privé. » Mais bon sang, ces gens-là, je suis sûr qu'ils sortent du cinéma, ils racontent la fin du film à ceux qui sont dans la file d'attente. Bref, j'aime pas la rentrée. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. Vous imaginez, vous, vivre dans un monde où personne n'aurait d'idées bizarres et farfelues? Quelque chose me dit qu'on s'ennuierait drôlement. Heureusement, j'ai créé une nouvelle invention. Le détecteur de mortellitude. Un objet imparable pour trouver des gens comme moi, capables de faire 200 bêtises par seconde. Quelque chose me dit que ça va être mortel. En 2012, les enfants découvrent Adèle, une petite fille rousse au caractère bien trempé et à la répartie cynique. Imaginez un harmonieux mélange entre Mafalda et Mercredi de la famille Adams qui serait allé à l'école de la vie tenue par Daria, l'icône de la chaîne de MTV. Parler d'un succès pour Mortel Adèle est un euphémisme, tant chaque nouvelle sortie occupe le top 10 des plus grosses ventes de bandes dessinées. Derrière cette fascinante jeune fille, il y a deux auteurs, un auteur et une autrice que j'ai la chance d'avoir avec moi. Antoine Doll, bonjour. Alors on vous appelle aussi Monsieur Tan. Vous êtes créateur et scénariste de la série Mortel Adèle et auteur de nombreux mangas et romans. Exactement. Avec nous, et on est ravis, Diane Lefeyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustratrice jeunesse, professeure à l'école de dessin Émile Cole, où vous avez étudié. Vous avez publié en France et à l'étranger, et vous avez commencé dans le jeu vidéo tout en vous destinant au dessin animé. Et votre coup de crayon vous a emmené vers l'illustration et la bande dessinée Mortel Adèle. Absolument. Ensemble, on va revenir sur la création et le succès d'Adèle. Et pour l'occasion, vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission, j'insiste, au 01 45 24 7000 pour poser vos questions à Antoine Doll et à Diane Lefeyer. Allez, c'est parti les Nasbrock. Parents à vendre, prêts à débattre. papa, maman, c'est le moment de se parler. Même si je sais qu'on se voit déjà toute la journée. Le bon vieux temps du vivre ensemble est révolu. Ouais, ranger ma piole et faire mes devoirs, j'en peux plus. Dorénavant, on va stopper les rimes en haut. Me coucher tôt, pas de gros mots, manger du bio, j'en ai plein le dos. Rassurez-vous, ce n'est pas un coup de semonce. Mais pour le bien de tous, je dois rédiger cette annonce. Rien à débattre. Mauvais état général, mais votre prix sera le mien. Je veux plus attendre, il faut que ça parte. Liquidation totale, avant fermeture magasin. Rien à débattre. Occasion à saisir, je vends les deux pour le prix d'un. Je veux plus attendre, il faut que ça parte. Contrôle technique à jour et garantie première main. Ministère Adèle, ma décision est sans appel. Alors évidemment, première question pour les deux du fond qui ne savent pas qui est Mortel Adèle. Antoine Dole, et comment est né ce personnage ? Mortel Adèle, c'est un personnage qui est né quand j'avais 14 ans. Je l'ai créé quand j'étais ado. J'étais un garçon plutôt hors du groupe. J'étais victime de violences scolaires et donc en réaction au harcèlement scolaire, j'ai créé ce personnage qui était ce qui me permettait de trancher cette violence et cette incompréhension du monde. Donc en fait... Adèle, c'est un petit peu votre super-héroïne à vous. Bah ouais, complètement. C'était mon alter ego, c'était mon surmoi absolu, une petite fille qui était dans la désobéissance, qui osait dire non, qui osait s'affirmer, qui inventait sa place toute seule dans le monde sans avoir besoin de l'avis des autres. On a Isia au téléphone. Bonjour Isia. Salut Isia. Bonjour. Bonjour. Je crois que tu as une question. Oui. Vas-y, on t'écoute. Je voudrais savoir comment vous avez créé Mortel Adèle et pourquoi c'est une fille et pas un garçon. Ah, pourquoi c'est une fille et pas un garçon ? Eh ben c'est une fille parce que je suis un garçon. Et en fait, comme rien de ce que j'étais ne fonctionnait avec les autres à cette époque-là, comme j'avais cette sensation que tout ce que j'étais ne trouvait pas grâce aux yeux des camarades de classe, je me suis dit que j'allais créer l'opposé. Alors que moi, je suis un garçon, c'est devenu une fille. Moi, j'étais timide, elle osait tout dire. Et puis c'est parti de ce constat-là. Un jour, j'ai pris une feuille blanche et puis j'avais vraiment cette sensation de disparaître sous les violences scolaires et de pas réussir à prendre forme au milieu des autres. Et donc, un jour, j'ai pris cette feuille blanche et je l'ai tranchée en deux avec un trait qui est devenu la barre de front d'Adèle, ce trait qu'elle a au milieu du visage qui lui donne tout le temps l'air en colère. Et c'est comme ça que les premiers traits d'Adèle sont nés. Isia, tu lis Mortel Adèle depuis longtemps ? Oui. Depuis combien de temps ? Comment ? Depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps chez moi ? 3 ans. 3 ans ? Et est-ce que tu as un tome préféré déjà ? Comment ? Est-ce que tu as un tome favori ? J'aime bien Proutatomique. Ah bah étonnant. Proutatomique à tes faveurs donc. Et tu les lis avec tes parents ? Non, toute seule. D'accord. Et eux, ils sont plutôt contents ? Parce que tu sais, des fois, il y a des parents qui disent « Oh là là, mais elle fait beaucoup de bêtises, tu devrais pas lire ça. Tiens, lis La Princesse de Clèves. » Ou est-ce qu'ils sont contents ? Des fois, ils me disent que je prends exemple sur elle, mais... Ah, donc tu es une petite fille libre, courageuse, qui s'affranchit des règles. D'accord. Bah, écoute, Isia, on te remercie de nous avoir appelés. Merci. J'ai entendu le merci. Merci Daniel. Merci à vous. Merci. Nous, on a une petite anecdote sur Proutatomique. C'est, on avait fait une dédicace aux Galeries Lafayette. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. En fait, l'animateur qui était là, qui arrêtait pas de crier Proutatomique au micro des Galeries Lafayette sur 5 étages et qui nous dit c'est la première fois de ma carrière que je peux dire Proutatomique aussi fort dans ce magasin gigantesque. Mais je pense que même sur l'antenne de France Inter. Proutatomique au 3e étage. Proutatomique. Et est-ce que vous aviez un modèle particulier, une inspiration quand vous avez créé Mortel Adèle ? Bah, moi, j'ai toujours été sensible aux personnages qui étaient un peu hors normes. C'est-à-dire, vous citiez tout à l'heure Mafalda, Mercredi Adams, Daria. C'est des personnages qui ont toujours fait partie de mes livres de chevet ou de mes séries de chevet. Et c'est vrai que c'était important, je trouve, de se construire aussi dans cette idée de la complexité qu'on a quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des pensées joyeuses et on n'a pas que des pensées gentilles. Et c'est aussi important d'en avoir conscience pour apprendre à les manipuler, à les maîtriser, à les mettre au service de quelque chose. Je suis pas convaincu que la colère soit forcément une énergie négative, par exemple. C'est aussi une émotion qui permet d'avancer, de bousculer des choses. Et ces personnages-là m'ont toujours assez fasciné, ouais. Diane Lefeyère, Vous, c'est le volet illustré d'Adèle. Est-ce qu'il y a un trait, un morceau de ce dessin qui est pour vous, Adèle ? Quand vous la dessinez, quel est le trait qui fait qu'à un moment donné, vous dites « ça y est, elle est là » Antoine parlait de cette fameuse barre de front tout à l'heure. C'est effectivement le premier trait qu'on trace, que je trace même moi quand je la dessine. Hein. Cette espèce d'expression intense qu'elle a sur le visage, cette espèce de monosourcil, mais qui change de forme, donc qui a quand même beaucoup de nuances. Hein. Elle n'est pas tout le temps en colère, elle réfléchit, elle est soucieuse, elle est tracassée, elle est très heureuse. Mais c'est vrai qu'elle a cette espèce de ligne qui représente toute l'intensité de sa personne, et j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment la ligne des sourcils. Oui, oui, absolument. Alors, au téléphone, on a une petite Zélie, qui vient poser une question. Je ne vais pas mentir, hein, je la connais bien, c'est ma fille. et Zélie, elle a une petite question pour vous. Bonjour Zélie. Bonjour. On t'écoute. Bonjour papa. Pourquoi est-ce que Adèle, elle est si méchante avec tout le monde? C'est marrant parce que au départ on me demandait beaucoup ça, on me demandait tout le temps mais pourquoi elle est aussi méchante et tout. C'est une question qui a un peu disparu au fil des années. Je pense que les lecteurs qui ont vraiment lu l'ensemble de la série ont compris que ça, ce rejet de l'autre n'était pas forcément aussi premier degré. Moi, je pense que c'est compliqué d'être un enfant dans un monde d'adultes et que la façon qu'elle a de constamment rejeter l'autre, c'est aussi une façon d'éprouver le lien qu'elle a au groupe. Je vous expliquais tout à l'heure la genèse de Mortel Adèle, mais qui fait partie intégrante de son ADN et de son histoire. C'est une petite fille qui est née à un moment de ma vie où moi, je n'arrivais pas à faire partie du groupe. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, l'histoire de Mortel Adèle. C'est-à-dire que c'est, pour moi, l'histoire d'une petite fille qui n'arrive pas à se lier aux autres, qui n'arrive pas à trouver sa place et qui cherche continuellement l'endroit par lequel elle va réussir à exister pleinement et qui n'est pas prête à faire de concessions là-dessus. Et c'est ce que je trouve intéressant, et c'est ce qui peut effectivement lui donner ce côté extrêmement rêche, mais c'est parce que c'est une petite fille qui refuse de renier ses contours pour trouver sa place. Voilà, elle prend la place qui lui revient, au risque que du coup, ça froisse un petit peu la norme. Exactement, et puis elle accepte l'idée qu'on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde. Voilà. Est-ce que tu es satisfaite par cette réponse, Zélie? Oui. tu as compris cette idée comme ça, d'effectivement avoir un caractère entier pour ne pas forcément appartenir au groupe. Oui. On est en train de régler des comptes à la maison. C'est ça, d'accord. On avait l'impression qu'il y avait une certaine tension dans cet échange. Merci beaucoup, Zélie. Merci, Zélie. À plus tard, merci. À tout à l'heure. Alors, j'ai une question parce que, initialement, quand les premiers tomes sont parus, c'était Miss Prickly qui faisait les dessins. Et donc, en fait, quelque part, à trois, vous lui avez donné naissance. Et qu'est-ce que les uns et les autres ont apporté particulièrement à Mortel Adèle ? Adèle, elle a eu trois naissances. Elle a eu cette première naissance en 1995, dans un lointain siècle, quand moi, je l'ai dessinée une première fois. Et puis elle est née une seconde fois quand Miss Prickly l'a dessinée à partir de mes croquis en 2011. Et puis la BD est sortie en 2012 et Diane est arrivée dès 2014 finalement, donc elle a repris une nouvelle dimension en 2014. Il y avait déjà, c'était important parce qu'il y avait déjà 7 tomes qui étaient sortis, donc il y avait une vraie responsabilité, hein, et puis un entrain et une envie de se jeter à corps perdu dans cette aventure qui était assez incroyable. Hein. Oui, alors après, ce que Diane vous dira pas, parce qu'elle est très humble, c'est qu'elle a apporté considérablement aussi à cet univers, notamment par son expérience du dessin animé, et donc par toute l'élasticité qu'elle a réussi à donner à ce personnage, et cette énergie incroyable qu'on trouve dans ses dessins. Adèle, c'est une héroïne de bande dessinée qui se lit, mais qui s'écoute, on l'a entendu aussi, hein, car elle a désormais une voix incarnée par Dorothée Pousséo, et bonjour, elle Dorothée. A chanté avec Aldebert ce morceau, Poussez-vous les moches, tiré de l'album Enfantillage, les 10 ans. Mortel Adèle n'a pas sa langue dans sa poche. De bonne humeur, jamais de la vie. Mortel Adèle, allez poussez-vous les moches. Et pas de pitié pour les gentils. Voici l'histoire d'une petite fille qui a le don de vous faire tourner en bourrique. C'est pas ma faute, j'ai du caractère, c'est tout. Son père, sa mère et sa mamie l'aiment sans façon, mais vivre avec, c'est héroïque. Ce sont des tortionnaires, il me faut manger des légumes. Elle aurait pu être docile, obéissante et timorée. Dans une autre vie, ouais, sûrement. Elle aurait pu être facile, perdue, bienveillante et attentionnée. Allez, une prochaine fois peut-être. Admirateur comme le petit blond Geoffroy qui la kiffe un max. Il veut m'offrir son cœur mais craint le bistouri, cette andouille. Adèle adore les expériences au grand désespoir de son petit chat Ajax. J'ai tout essayé, le cyanure, la poubelle, la chute libre, le pitbull. Elle aurait pu être timide, non, j'ai d'autres ambitions. Respectueuse et angélique comme présidente de la galaxie. Elle aurait pu être placide, bon c'est quoi, affectueuse et pacifique. Qu'est-ce que ça sent un peu la croquette ici. Sa langue dans sa poche. De bonne humeur, jamais de la vie. Mortel appel. Allez, poussez-vous les moches. Et pas de pitié pour les gentils. Et malgré les vacheries, les petites crasses au quotidien, cette fille fait chipper. Faut l'avouer, on l'aime bien. Merci. Bienvenue dans le monde céleste, interdit aux anges. De notre charmante petite veste aux cheveux oranges. Y'a Magnus. Petit-fils, c'est mon grizzly. Et puis Geoffroy. Oh non, pas lui. Il y a Owen. C'est mon zombie. Et Jennifer. Non, merci. Il y a ton oncle. Et son chéri. Jade, Miranda. Des grosses termes, ces filles. Mortel appel. N'a pas sa langue dans sa poche. De bonne humeur, tu peux te brosser. Mortel appel. Allez, poussez-vous les moches. Pas de pitié pour les gentils. Est-ce qu'on peut finir la chanson avec un solo de guitare qui déchire? Ah bah ouais, mais tu vois ça comment, Adèle? Bah, funky moumoute. Vas-y, bien sûr. Ok, alors voilà. Vent parent en couple, peu servi, bon état général, pris à débattre. Non, hein, non, non, attends, Adèle, tu peux pas faire ça ici. Oh, dommage. Le chat. Attention, Adèle, tu marches sur Ajax. Ouais, je sais. Poussez-vous les moches d'Aldebert dans Blockbuster sur France Inter. Debout les bizarres, entonnez le tambour. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Tous les diables, chantez juste ou chantez faux, on s'en fiche, on préfère le bizarre, ça nous rend unique. Je rappelle que vous pouvez nous joindre toute l'émission au 01 45 24 7000 pour poser vos questions à Antoine Doll et à Diane Lefeuillet au sujet évidemment de Mortel Adèle. Et on a au téléphone Talia. Bonjour Talia. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu as quel âge, s'il te plaît ? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Eh bien, vas-y, pose ta question, il t'écoute. Est-ce que Adèle, elle va grandir ? Ah, c'est une très bonne question, parce que je l'avais mis aussi. Eh bien, on répondra qu'à Talia. Écoute, pour l'instant, non. Cette réponse est un peu brutale, excuse-moi. Non, pour l'instant, non. Écoute... Non, ça reste brutal, même avec les voix. Hein. Pour l'instant, non, peut-être. Je trouve qu'Adèle, elle est intéressante à son âge. Là, c'est là qu'elle a des choses à vous dire sur cette bascule que vous êtes en train de vivre vers la préadolescence et l'adolescence, qui est un âge où on a l'impression qu'il faut laisser beaucoup de choses derrière soi pour grandir. Et au contraire, je trouve que c'est là qu'elle est, qu'elle a tout un rôle à jouer, de dire à tout le monde, à vous et à vos parents et à tous les lecteurs, qu'il y a 1000 façons de grandir et de trouver ce qui nous rend heureux. Voilà. Donc c'est, pour moi, c'est maintenant qu'elle doit parler. Franchement, mais Talia, t'as de la chance, hein, parce que là, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de coach bien-être en même temps. C'était très agréable. Est-ce que ça te satisfait, Talia ? Sinon, tu peux être remboursée. Ah, on l'a perdu ? Stalia ? Oui ? Oui, je suis contente. Bah, tant mieux. Ça va. Tant mieux. Merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé. On a également Sixtine au téléphone. Bonjour Sixtine. Bonjour. Bonjour. Alors, quel âge as-tu Sixtine, s'il te plaît ? 10 ans et demi. Et tu vis où ? À Saint-Germain, à Lancement. D'accord. D'accord. Donc on écoute ta question. Comment vous est venu à l'idée du personnage de Magnus ? Ah. Ah, alors Magnus, c'est que quand j'étais petit, j'étais très fan de Boule et Bill. Et que j'adorais la relation. Alors j'étais tout petit, j'adorais la relation entre Bill et Boule. Et le fait que ce chien, il soit toujours là pour essayer de sauver son maître, trouver comment le soutenir, le divertir et l'accompagner dans ses aventures. Et effectivement, je pense que ça m'a pas mal marqué dans ce rapport qu'Adèle a avec Magnus. Magnus qui porte le nom d'un effet, l'effet Magnus, en fait, c'est quand tu lances une balle et que l'impulsion que tu lui donnes arrive à faire que la balle, elle peut contourner un obstacle et poursuivre son chemin. Et je trouvais que c'était plutôt un bon signal pour un ami imaginaire qui est là pour l'accompagner dans toutes ses péripéties. Il lui donnait plein de bonnes idées aussi. Yep. Il est toujours sur son épaule. C'est le Jiminy Cricket de Mortel. Oui, c'est un peu, voilà, ouais. Mais on ne sait jamais trop sur quelle épaule il est. Ouais. C'est si l'ange et le démon. On ne sait pas. Merci d'avoir appelé Sixtine. De rien. Salut Sixtine. Salut. Alors on est encore en ligne avec un garçon un peu plus grand justement qui s'appelle Guillaume Aldebert. Ah non, surtout pas. Bonjour Guillaume. Salut tout le monde. Salut. Alors on va ça quand va, même. Vous m'entendez? Je suis dans des conditions un petit peu particulières parce que je suis dans les loges derrière la scène. On sait que t'es dans tes toilettes, Guillaume. Oui, oui. Elles sont acoustiques. Hein. Alors rappelons que je suis ravi d'être avec vous. Ben tout pareil. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et sur le projet Mortel Adèle, vous êtes compositeur des chansons de l'album Show Bizarre. Oui, c'est ça. Donc on a travaillé tous ensemble de concert là sur l'album Show Bizarre. Il y a quoi ? Ça doit faire deux ans maintenant, un an et demi, deux ans. Un an et demi, ouais. C'était une très belle aventure. Moi, j'ai rencontré Antoine dans les murs de France Inter parce qu'on s'est rencontré chez Antoine Decaune sur un pop. Et puis voilà, on a depuis cette émission-là, on a collaboré. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique l'incroyable succès de cette petite fille ? L'incroyable succès de Mortel Adèle. Oui. Je pense que Mortel Adèle est un super héros. Et je pense que quelque part, elle aide les enfants, évidemment, à se construire. Et puis, surtout, il y a tout le côté rock'n'roll et disgressif du personnage qui fait du bien. Et elle dédramatise parce que, Antoine en parle mieux que moi, mais je sais que, voilà, quand on est enfant, on a beaucoup de frayeurs, de petits traumatismes comme ça, de ci, de là. Et je pense qu'Adèle, elle aide les mômes à gérer tout ça. Et quand vous avez composé l'album, comment vous vous y êtes pris pour retrouver le grain de folie et l'ouverture à la bizarrerie qui accompagne Adèle ? J'ai fait pas mal de tentatives en fait, et puis Antoine m'envoyait des textes, et du coup voilà, on allait. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on vient pas forcément du même univers musical, et du coup on a mélangé, on a ouvert le champ des possibles à plein de styles, et c'est ça qui était vraiment chouette. Mais c'est vrai que moi, après la première émission, on s'est rencontrés. J'ai lu, à l'époque, je crois qu'il y avait 12 tomes. Ouais. Et j'ai dévoré ça. Et il y avait des vraies passerelles entre mon univers enfantillage et ce personnage Mortel Adèle. Donc du coup, ça a été assez fluide au niveau de la composition et de la création. Et justement, en fait, entre vos albums et ceux d'Antoine et Diane, il y a cette manière assez directe de parler aux enfants. Et est-ce que c'est pas ça le secret finalement, ne pas les considérer comme ces petites choses fragiles à protéger à tout prix ? Ouais, c'est ça, je crois que... Alors, excusez-moi, j'entends pas tout, mais... Non, en fait, il y a le public qui entend l'émission et qui dit « Ouais, c'est vrai, il a raison !» Il y a un bazar derrière et tout, je suis coincé dans la loge. En fait, moi, c'est une vraie volonté aussi, comme Antoine, de pas infantiliser, en fait, de pas prendre les enfants pour des idiots. Et on est persuadé qu'ils ont déjà un grand sens du second degré. Ils savent très bien gérer les choses, beaucoup mieux que les adultes, souvent. Parce que on n'a jamais des retours négatifs des enfants. Mais quand on en a peu, heureusement. Mais c'est souvent les adultes qui sont complètement décalés, complètement à la rue par rapport à ce qui se passe, qui comprennent pas, en fait, le deuxième degré. Ouais, oui. Eh bien, je vous remercie. Merci d'avoir donné un petit peu de votre temps à Aldebert. Et puis aussi, un immense bravo pour l'ensemble de votre œuvre. Je pense qu'il va vraiment falloir que je vous consacre aussi un blockbuster. Votre émission, parce que j'ai écouté tous les épisodes et c'est vraiment la grande classe. Merci à vous. Merci. Bon concert. Salut. Bon concert. Bisous à Hubert et à tous. Salut. Diane, oui. J'aimerais vous poser une question très pragmatique. Oui. Que lisiez-vous quand vous étiez enfant ? Oh, je lisais plein de choses. Mais je lisais majoritairement les histoires de Donald et Picsou et Le Seigneur des Anneaux. Je pense que s'il faut résumer... C'est la synthèse de Diane, voilà, ça. L'alpha et l'oméga, ouais, c'est parfait. Hein. C'est si on peut dire, voilà. Ce que je lisais, c'était beaucoup l'œuvre de Don Rosa et de Karl Barks, donc de toutes les aventures de Picsou et Donald, qui pour moi restent parmi les meilleures, les grandes aventures de fantasy, que je porte la fantasy et la SF dans mon cœur très profondément, et Le Seigneur des Anneaux, grand bouleversement pour moi, au lieu de réviser le bac d'histoire géo, je lisais les deux tours. Et voilà. Mais en même temps, ça enrichit. Voilà. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Diane parle l'elfique. Ouais. C'est vrai. Ouais. On peut avoir droit à une petite phrase. Alors oui, mais alors je ne garantis pas l'accent. Alors de ce nom, je me rappelle surtout parce que c'était il y a longtemps. Earello Endorena Utulien. J'en ai oublié. En même temps, choix. Tu peux dire absolument ce que tu veux. Non. Parce que les ceux qui... qui était pas correct. Ceux qui savent, savent. Il y a l'Oriendec, Endorena ou Tulien. Voilà. Bon, bah voilà. Bah écoutez, si voilà. Jamais il y a des connaisseurs de la langue elfique, vous confirmez ou vous affirmez. Vous pouvez appeler le 0. J'ai toujours mon précis de grammaire elfique à la maison. Et ma fille, l'autre jour, m'a dit : mais c'est une vraie langue ? Et j'ai dit : comment ? Bah, absolument. Et du coup, maintenant, elle vit dehors. Non, je lui ai sorti le livre et mes cours de l'époque que j'avais ressorti. Nous sommes avec Antoine Dol, Diane Lefeyère et des millions d'auditeurs qui peuvent nous joindre au 01 45 24 7000 pour parler de Mortel Adèle. Et pour le moment, on va écouter une chanteuse qui ne manque elle aussi pas de charisme, Clara Luciani avec Cœur. T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. C'était Cœur de Clara Luciani. J'attendais depuis longtemps. Un nouvel extrait de Show Bizarre et on a Elliot de Grenoble au téléphone. Bonjour Elliot. Bonjour. Salut Elliot. Je vous laisse entre vous. Tu peux poser ta question. Es-tu un enfant de Frédéric? Non, j'ai un Elliot, mais c'est pas celui-ci. On t'écoute. De quoi vous vous êtes inspiré pour écrire Mortel Adèle et la galaxie des bizarres? Ah. Ah, alors ça c'était une commande spéciale de Diane oui. Lefeyer. Qui a dit est-ce qu'on peut avoir des vaisseaux spatiaux s'il te plaît? Qui est très fan de Star Wars et qui m'a obligée. Sous la contrainte. Non, en fait, on avait le souhait d'emmener Adèle vers des univers un peu différents parce que je trouve que la SF c'est un très bon moyen de parler de la vie, puisque finalement c'est une forme de philosophie, de moyen de mettre des choses en avant du monde dans lequel on vit, de la réalité dans laquelle on vit. Et il se trouve effectivement que Diane est extrêmement fan de Star Wars. Et donc c'était une combinaison qui nous a semblé assez évidente. J'ai mis plein de petites références un petit peu partout. Ouais, et j'ai découvert qu'on pouvait faire des vaisseaux en prenant comme modèle des sèches-cheveux et des fers à repasser. Absolument. Oui, idée qui a été reprise par Rian Johnson, littéralement dans un Star Wars aussi. Ah bah c'est bien, c'est bien. C'est bien pour ça qu'on dit ça. Bien sûr, j'ai pris le vaisseau de Jade, le vaisseau amiral de Jade, c'est un sèche-cheveux un peu vintage que j'ai bricolé pour que ça ressemble à un vaisseau spatial. Il y a la planète des parents, c'est L'âge de cristal, qui est un vieux film de SF. Ah oui, alors si vous aimez la SF, les enfants, Diane a bourré de références à la galaxie des bizarres, ouais. Ça te convient, Elliot ? Ouais, ça me convient. Parfait. C'était mortel, Elliot. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Salut. Salut. Dans cette émission, on a une séquence J'aime pas. Ouais. Mais Adèle, c'est un peu la ceinture noire des J'aime pas. Donc on va changer les rôles. Antoine, Diane, qu'est-ce qu'Adèle, elle aime pas ? J'aime pas. C'est-à-dire vous qui êtes derrière Mortel Adèle, qu'est-ce qui vous énerve ? Peut-être même cette interview là en direct, hein. N'hésitez pas, vous pouvez tout dire. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le monde dans lequel on vit qui nous donnent des raisons de nous énerver tous les jours. Adèle, ce qu'elle n'aime pas, à travers nous, ses auteurs ? Oui, ou plutôt vous à travers elle. Guillaume, je trouve qu'il a dit quelque chose d'assez juste tout à l'heure, c'est qu'on a souvent tendance, parce qu'on fait de la littérature pour enfants, les gens ont souvent tendance à croire que parce que ça s'adresse aux enfants, il faut avoir un propos, une morale, être didactique et presque être un manuel finalement de ce que c'est la vie. Moi, je pense que les enfants, ils sont beaucoup plus intelligents que ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont, je crois, oublié que quand on a un problème en tant qu'adulte, on se tourne souvent vers l'enfance pour trouver des réponses. Quand vous allez chez le psy, il ne va pas soigner le Frédéric qui a 40 ans, je ne sais pas. Mais il va s'adresser au Frédéric qui a 5 ans, qui a grandi dans l'Est. Oui. Par contre, au moment du paiement, il parle au Frédéric. Oui, après, il retrouve le chemin de la raison. Mais en tout cas, je trouve que l'enfance, c'est un endroit où on construit beaucoup de choses et beaucoup de ressources. Et je pense que les enfants, c'est ce qu'ils ont compris dans la BD qu'on leur apporte. C'est que c'est. Alors oui, il y a de la désobéissance, oui, il y a des bêtises, et oui, il y a des comportements à pas reproduire, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet pour les enfants. Je pense qu'ils ont compris cette question de la désobéissance utile, de la remise en question de la parole de l'adulte, de quelles sont les transformations que ça peut provoquer autour de moi quand je dis non, et quand je refuse, et quand j'impose ma volonté. Diane, quel est votre rapport au succès ? Parce que quand on dessine un personnage, mais aussi devenu aussi culte, parce qu'il faut quand même se rendre compte que voilà, dans les 10 bandes dessinées les plus vendues, il y a toujours un tome de Mortel Adèle. Comment ça se passe ? Parce que c'est vrai qu'on a aussi un rapport différent à la littérature jeunesse. Ça se passe bien. Vous savez, être auteur ou illustrateur, illustratrice, c'est quelque chose d'assez solitaire. Alors avec Antoine, on s'appelle énormément tous les jours pour parce qu'on travaille ensemble. Mais parce qu'en vrai, vous vous détestez. Oui, on ne se supporte pas. Oui, oui. C'est pour ça, ça ne peut pas marcher. Cette affaire ne fonctionnera pas. Je m'en vais. Attendez la fin de l'émission. Non, mais après, on travaille, on est face finalement à la création au quotidien. Le rapport à la célébrité ou au fame, comme ça, c'est pas très... Ça fait plaisir, mais je pense que nous, tout ce qui est important, c'est qu'on puisse nous travailler et continuer à avoir des bonnes idées et à développer des supports, des livres, des histoires, des aventures. Encore tout à l'heure, on a eu une idée. Enfin, ça ne s'arrête pas. Pour nous, c'est ça, je pense, qui est bien plus important. Oui, et puis je crois que c'est aussi une forme... Enfin, nous, on le vit comme une forme de responsabilité. Aussi, quand on s'adresse à 11 millions d'enfants, il y a à un moment donné cette idée que voilà, c'est quelque chose... Adèle, c'est un personnage qui est rentré dans la vie de beaucoup d'enfants, un endroit intime de l'enfance. Et ça nous oblige, nous, à beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on fait... Et beaucoup de concentration pour être à la hauteur de ça. On a des petits bonheurs comme ça. Enfin, je veux dire, quand on est à la gare ou qu'on voit un enfant avec un Mortel Adèle sous le bras, c'est toujours un petit moment, moi, de... Je me dis, ah, c'est bien, ça va. Ouais, ah, c'est celui-là, ouais, il est bien. Et bien là, on a une représentante d'un de ces 11 millions de lecteurs. C'est une lectrice. Bonjour, Anouk. Salut, Anouk. Oh, je t'entends loin, loin. Allô? Allô, Anouk? Allô? Ah, ça y est. Voilà, on t'écoute. Bonjour, je voulais savoir pourquoi Adèle, elle était méchante avec Ajax. Alors, moi j'ai un chat qui s'appelle... C'est des crétins. J'ai un chat qui s'appelle Snow, qui est sans doute le chat le mieux traité du monde et qui m'autorise à habiter chez elle. Elle a une petite chambre, elle a une chambre avec des petites lumières dans son petit coin. Diane, tu ne reviendras plus à la maison. Et du coup, non, on adore les chats. Le truc, c'est que quand on a créé Adèle, moi, je trouvais intéressant qu'elle contredise les symboles qu'on oblige un petit peu les enfants à avoir autour d'eux, et notamment ces petites filles qu'on oblige à s'habiller en rose, à aimer les petits chats, à faire de la danse, à aimer les poneys. Et le fait qu'Adèle, elle repousse constamment Ajax, c'est plus symbolique, c'est une façon de repousser tout le mignon que la société essaie de lui imposer dans sa vie de petite fille. Et voilà, et c'est pas plus loin que ça. C'est vraiment... tout est symbole dans Adèle, finalement. Les adultes, au départ... Moi, quand j'ai dessiné Adèle, la première fois, les adultes n'avaient pas de visage, on voyait que les jambes. Et c'était une façon aussi de dire que les adultes n'étaient pas forcément là dans mes problématiques d'enfant, telles que je les rencontrais, telles que je les vivais. Ajax, c'est la même chose, c'est vraiment un symbole, c'est le refus de cette suprématie du cute qu'on impose aux enfants. C'est la vidéo du chat toute mignonne. C'est ça. Oh, bah ouais. que je regarde, bien entendu, dès que personne ne me surveille. Ça te va, Anouk? Oui, merci beaucoup. Merci Anouk. À toi surtout d'avoir appelé. Et il est fait en chamallow aussi, tu l'as pas dit. Ah oui, ouais. Ajax est constitué à 99% de chamallow, c'est une matière indestructible. C'est un chat solide. Très, heureusement. Antoine, j'aimerais savoir quel genre de film ou même de jeu vidéo vous inspire en marge de votre écriture d'Adèle. Quel genre de film et de jeu vidéo? Alors moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. J'aime les quêtes. Elden Ring, par exemple, en ce moment, auquel je joue beaucoup. Je traîne aussi beaucoup du côté de Genshin Impact, que je trouve vraiment bien foutu. Oui. Alors après, les gamers vont râler parce que Genshin Impact étant un jeu gacha, c'est-à-dire où on doit tirer au sort des personnages et tout ça... Voilà, ça peut très mais les gens peuvent râler, vous savez, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est très bien réalisé. Ouais, oui, surtout pour un jeu gratuit, je trouve ça. Et il y a une extension dès aujourd'hui. Magnifique, oui. Je m'en vais. Un nouveau continent. Et donc du coup, voilà, moi j'aime les jeux vidéo dans lesquels il y a vraiment une évolution, un personnage qui grandit au fur et à mesure, qui acquiert des compétences. Je trouve que c'est très fidèle finalement à ce qu'on vit dans nos vies d'adultes. Moi, j'ai commencé à écrire Adèle au level 1. J'étais vraiment seul face à beaucoup de boss et de niveaux à traverser. Et puis aujourd'hui, je me sens beaucoup plus accompli dans ma vie d'adulte grâce à elle. Et maintenant, vous êtes une guilde avec Diane. Ouais, exactement. C'est et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, Adèle, c'était quelque chose que j'ai écrit dans ma solitude et qui aujourd'hui m'a permis de rassembler autour de moi tout un groupe d'amis, Diane, Guillaume, Dorothée Pousseau qui fait la voix d'Adèle. Et c'est ça qui est génial. On a Isabelle au téléphone. Bonjour Isabelle. Bonjour. Hello. On t'écoute, vas-y. Je me disais s'il y avait une fête pour les 10 ans d'Adèle. Ah, ben écoute, on va y penser. Peut-être on va réfléchir à ça pour l'année qui vient. Ce serait pas mal. On ferait la fête tous ensemble. Une petite fête. 10 ans. On veut organiser une fête à Paris. Est-ce qu'on peut tenir à 11 millions chez toi, Isabelle? Tu nous invites? Oui. Allez, go. Tu vas laisser ton adresse au standard on arrive. Demande d'abord la permission à tes parents parce que 11 millions, c'est difficile à caser quand même. Merci Isabelle. Merci. Salut. On a également Grégoire au téléphone. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour. Salut Grégoire. Tu es un grand garçon, Grégoire. Oui, Grégoire, c'est un grand garçon qui a plus de 40 ans. Ah oui, mais je me disais. Et en fait, je voulais vous demander comment vous aviez construit en fait ce pont intergénérationnel que moi je trouve dans Adèle pour avec toutes les références de culture qui sont la mienne finalement pour pouvoir la transmettre à mes enfants. Et c'est le plus grand plaisir que j'ai à lire Adèle, c'est de pouvoir transmettre cette culture-là. En fait. Il est très éveillé, Grégoire. Ses parents doivent être fiers. Ben, Grégoire, en fait, je pense qu'on a le même âge, toi, Diane et moi. Et c'est vrai que nous, on a grandi dans cette culture et c'est une culture qui nous ravit, qui nous enchante et qui nous distrait et nous amuse tous les jours. Je crois qu'on a beaucoup de chance de faire un métier où on peut transmettre ce que ces œuvres à travers le temps, ces dessins animés. Tu vois, là, vous voyez pas, mais Diane, aujourd'hui, elle porte un t-shirt de Rainbow Bright. Oui, rose. Qui est trop classe. Et du coup, c'est vrai que quand on arrivait dans le studio, voilà, c'est quelque chose qui a été remarqué tout de suite, qui met du sourire à tout le monde. Je trouve qu'on a grandi dans une culture, nous, qui était joyeuse, voilà, avec des films joyeux, avec des choses comme ça qui nous restent et qu'on a envie de partager, et on le fait avec beaucoup de plaisir. C'est important. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est toute notre enfance aussi qu'on peut transmettre dans le livre. Moi, toutes les petites choses que je peux cacher, toutes les petites références et toutes ces petites madeleines qu'on trouve au quotidien, moi je m'amuse à les mettre dedans et je me dis, est-ce qu'un parent qui a mon âge quelque part va la trouver, il va dire oh là là, mais oui, mais ça, mais j'ai reconnu, mais bien sûr. Et quelle ça dit blague. Aussi quelque chose de la création, parce que finalement la création c'est quoi? C'est un artiste, un auteur, un illustrateur qui se lève le matin, qui n'a rien devant lui si ce n'est une feuille blanche, et cette feuille blanche au fil de la journée, il va la remplir de son émotion, de son histoire, de des émotions qu'il a vécues en tant que spectateur, que lecteur, que tout ce qu'il a rempli durant son enfance aussi, et finalement pour la partager avec le plus grand nombre. C'est de l'envie en fait, faut rire, faut s'amuser en faisant, parce que si on s'amuse pas, on ne crée pas. Je veux dire, sinon la création elle est complètement aride, il y a rien qui la fait pousser. Si on s'amuse et qu'on a envie de dire et de faire et de dessiner, d'un coup les choses arrivent d'elles-mêmes. Merci beaucoup Grégoire. Eh ben, merci beaucoup, et puis il faut encourager tous les adultes à lire Adèle. Ah, c'est adorable. Merci. Merci Grégoire. Au revoir. Au revoir. On arrive bientôt vers la fin de cette émission, mais avant cela, on écoute Mead avec Domino. There's nothing to do, nobody's around. You know how it is. c'était Mead avec Domino. À toutes ces personnes, muses de ce poème, vous, vertueux symboles, vous, précieuses plantes, vous, ces enherbes folles, vous êtes si importantes. Moi, j'irai dans le ciel quand j'ai reçu l'appel d'une énergie lunaire, celle de l'imaginaire, au beau milieu du vide, d'un néant insipide, quand j'ai reçu l'appel d'une petite fille mortelle. Et cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres, sachant lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Quand j'ai reçu l'appel d'une petite fille mortelle, celle-ci s'appelle Mortelle Adèle. C'est tellement mignon, vous chantez autour de la table. Les auditeurs ne se rendent pas compte, mais vraiment là, il y a... non, mais on a pris tellement de plaisir à faire cet album qui était l'aboutissement aussi de quelque chose dans le parcours qu'on avait sur Adèle. Et ça a été un grand moment de bonheur pour nous. On a tout à l'heure évoqué Dorothée Pousséo, qui est la voix officielle d'Adèle. Et justement, quand on porte un personnage dans sa tête, qui naît sous son crayon, etc., et qu'on doit lui donner une voix, c'est pas du tout comme une naissance, où là, c'est spontanément qu'on a des cordes vocales et on découvre la voix de son enfant. Là, on doit la choisir. Ouais. Comment ça s'est passé ? C'est moi qui ai choisi Dorothée. Je connaissais son travail de doubleuse, enfin de comédienne de doublage, pour être plus précis. Qui est phénoménal. Puis Dorothée est une personne phénoménale, de générosité, de gentillesse, de talent. Quand on est en studio avec elle et qu'il faut qu'elle fasse une voix, elle fait 27 propositions par mot, enfin, c'est assez incroyable. Ouais. Et moi, dans ma tête, depuis enfant, j'avais toujours cette voix d'Adèle un petit peu cassée. Et quand on me disait, mais pour la voix, vous voulez quoi ? Je voudrais une espèce d'enfant Jeanne Moreau. C'est ça, vous parlez. Ah, j'ai l'image. Et du coup, quand on a rencontré Dorothée, et puis il y a tellement de choses qui se rencontrent. Enfin, Dorothée, c'est vraiment devenu quelqu'un de très important dans ma vie. Elle est tellement gentille et tellement authentique, sincère. Et puis c'est Harley Quinn, quoi. Mm-hmm. Je sais pas, c'est quand même assez dingue. On a Jules au téléphone. Bonjour Jules. Bonjour. Salut. Je m'appelle Jules. J'ai 9 ans. Je vais à Château-Thierry et ma question c'est, est-ce que vous allez faire un dessin animé de Mortelle Adèle ? Ah bah on travaille dessus Jules, on travaille dessus, c'est long un dessin animé, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Plein de choses à faire dessus, ouais. Exactement, donc moi je travaille sur les pitchs et les scénarios, Diane elle travaille sur la supervision de tout ce qui est artistique et graphique. Les dessins. Et puis ça devrait sortir, dernière discussion, on était sur fin 2023, début 2024. Il faut être un peu patient. Donc il faut être un petit peu patient. Ouais. Mais ça vaut le coup parce que c'est que des histoires inédites. Ouais. On est, sur Adèle, on essaie de jamais répéter ce qu'on a déjà fait. Et donc on écrit que des histoires inédites pour chaque épisode. Donc ça va être quelque chose d'assez dingue. Et donc pour le dessin animé, Diane, vous passez voir les équipes d'animateurs en disant « Non, c'est moche ça. » Je travaille avec les équipes d'animateurs pour que tout le monde... Parce que jusqu'à présent, c'est moi qui l'a dessiné toute seule. Donc c'est vrai qu'il y a ce moment où on transmet le dessin. Prenez-en soin parce que je m'en suis bien occupée. Et avec des gens très talentueux qui lui donnent vie d'une autre manière. Moi, je viens en plus du dessin animé, donc c'est vrai que j'ai un œil pointu sur ce type de médium aussi. Mais les équipes sont formidables, donc c'est super. Merci beaucoup, Jules. Au revoir. Salut, au revoir. Jules. Au revoir. On a aussi Charlotte au téléphone. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Hello. Salut. On t'écoute. Quelle question veux-tu poser ? C'est pas vraiment une question, c'est pour dire que j'ai beaucoup aimé Adèle avant. Ouais. Enfin, maintenant j'aime toujours, mais je lis moins. Parce qu'elle pouvait dire des choses que je n'osais pas forcément dire et elle remettait à leur place des filles que j'avais. Enfin, j'avais Miranda, il y avait des filles un peu comme ça dans mon école que je n'osais pas faire pareil qu'Adèle, quoi. Donc je trouve ça. Enfin, elle m'a fait un peu rêver. J'espère qu'elle continue, même si tu la lis moins. que tu as compris que à travers des lectures comme Mortel Adèle, que tu as compris que en fait cette voix elle est en toi, cette voix qui peut dire non, qui peut refuser déjà des Miranda qui t'imposent quotidiennement des choses. Et ça, déjà des Miranda, t'en as connu à l'école, mais t'en rencontreras aussi encore, encore et plus tard dans tes études dans le monde du travail, et qu'aujourd'hui tu sais que tu as cette capacité de refuser tout ça. Oui. C'est cool. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Au revoir. Au revoir. Merci. Antoine, dans vos romans à deux, vous avez mis en scène des personnages LGBT. Mmh. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis le premier à être lassé de voir que dès qu'on aborde, dès qu'on donne une voix, dès qu'on donne une représentation, à ces communautés, il y a des gens qui vont s'énerver, qui vont dire oh bah voilà, c'est de la propagande. Même quand on évoque le sujet dans Blockbuster, j'ai toujours un message qui dit oui, que ça soit pour les personnages LGBT ou même pour dès qu'on parle de féminisme. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui parlent de diktat de la bien-pensance ou ce genre de choses? Bah, que la liberté des uns ne remet pas en cause la liberté des autres, et que je trouve ça toujours bien de montrer aux gens les choix qui s'offrent à eux, de vie, d'épanouissement, que des chemins qui conduisent à soi, il y en a plein. Que peut-être ces gens-là sont des gens qui n'ont pas forcément fait des choix très conscients dans leur vie pour en arriver à se plaindre constamment que... D'autres puissent le faire. Donc, je sais pas. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire de la pédagogie par le passé, à essayer de répondre aux gens, à essayer de trouver des arguments pour les convaincre que c'est important qu'il y ait de la visibilité pour tous, qu'on soit aujourd'hui dans une société où chacun a la sensation d'être vu, entendu et peut se reconnaître. C'est pas évident quand on est un ado LGBTQ+, peu importe, de pas trouver des schémas dans lesquels on se reconnaît en grandissant, de pas pouvoir projeter son apprentissage amoureux sur des personnages qu'on connaît. Tout le monde a le droit d'avoir des personnages qui lui parlent, et tout le monde a le droit d'avoir des personnages qui se logent dans l'intime pour lui montrer... C'est l'idée d'une représentation de soi. Bah ouais, et puis si ça déplaît à certains, ils peuvent lire le livre d'à côté. Enfin, je veux dire, oui. La proposition aujourd'hui est tellement vaste... Les libertés ne s'annulent pas, et au contraire, je trouve que les libertés elle profite à tout le monde, et les combats des uns nourrissent aussi les chances de succès des combats des autres. Et j'ai une dernière question. Dernièrement, on a appris que vous preniez votre indépendance en créant votre propre maison d'édition. Donc, quelle est la genèse de ce choix et qu'est-ce que ça préfigure pour Adèle ? Je pense que dans maison d'édition, il y a le mot maison, que c'est important quand une création habite un endroit... que les auteurs, qui sont quand même la matière la plus fondatrice et fragile de cette matière artistique, se sentent célébrés là où ils sont, se sentent écoutés, respectés, et que ma foi, quand on sent que c'est pas le cas, on fait un choix de partir d'une maison et on crée la sienne. On crée la sienne. C'est la fin de cette émission. Diane Lefeuillère, Antoine Dole, merci. Et merci surtout, beaucoup. Je le dis, longue vie à Adèle. Cette émission a été réalisée par Camille Maty, elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Emma Ferret, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier, et on remercie très chaleureusement Vincent Désir à la technique. Vous pouvez, vous connaissez la chanson, me laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Pour être en forme, mangez 5 fruits et légumes par jour. Évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré et pratiquez une activité physique régulière. Quel cauchemar atroce ! Demain, aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Exactement, Diane Lefeuillère. Demain, on va parler Nicky Larson, ou plutôt City Hunter. Et après le journal, vous allez retrouver Sonia Chironi pour un monde nouveau. Bonjour Sonia. Bonjour Frédéric. Alors faites-moi rêver, c'est quoi le programme aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des nouvelles masculinités. Je ne sais pas si vous êtes un homme du monde nouveau, Frédéric, mais mon premier invité ce soir l'est assurément. Baptiste Desmonstiers a fondé un média en ligne pour les hommes qui veulent participer à la société sans les dominer. Et puis on recevra la chanteuse Pomme qui va nous parler de son troisième... Eh oui, Pomme. Elle sera là dans ce studio dans quelques instants, elle va nous parler de son troisième album qui Antoine sort demain. Consolation. Désolé, je prends place. Merci Sonia. À tout de suite. France Inter. Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.